pas toi que l'on parlait depuis des siècles dans les vallées. Ceux qui trimaient dans les montagnes, les hommes, les femmes et les enfants de la campagne, parlaient cette langue oubliée, faite de terre et de rochers, le patois de nos contrées. Et nowhere by Utrecht, c'est Xinjiang des riches, le chou à vent, plus l'aide by U, j'ai si oui, by U, peu, U, fil en tol, U, peu, c'était la langue d'un pays qui faisait chanter les gens d'ici. Dans les mayas, dans les forêts, dans les étables et les chalets, dans les caves, elles résonnaient. Mais cette langue s'est perdue, on l'a brisée, l'autorité n'en voulait.